Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله ووفقني الله وإياكم للتذكر والاعتبار والاتعاظ بما تجري به الأقدار والمبادرة بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم ليمتحن صبرهم وشكرهم فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند حصول المصائب يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سيرفيتور الله كني الله et que Allah me donne le succès ainsi qu'à vous-même de se souvenir et de prendre des leçons, et d'être exhorté par ce qui se produit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et de se précipiter à la repentance sincère de tous les péchés, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes la sagesse infinie, et il a la preuve certaine, et sa science englobe toutes choses, et il met à l'épreuve son serviteur, par les choses qui sont plaisantes et par les choses qui sont difficiles, par les difficultés et par l'aisance, par les grâces et par les punitions. Il éprouve ses serviteurs pour les tester, pour tester leur patience, pour tester leur reconnaissance, pour voir s'ils seront patients et s'ils vont être endurants lors de l'épreuve et lors de la difficulté. Et est-ce qu'ils seront reconnaissants lorsqu'ils sont dans des situations d'aisance et de facilité? Et est-ce qu'ils vont retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et l'implorer lorsque viennent les difficultés et les malheurs? Celui donc qui se plaint à son Seigneur et à son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de ses péchés et de ses manquements, et qui lui demande sa miséricorde et son pardon, il a certes eu le succès, et il a eu la réussite d'une bonne fin qui est glorieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Alif Lam Mim, est-ce que les hommes croient que nous les laisserons dire, nous sommes croyants, ou nous croyons, alors qu'ils n'ont pas été éprouvés, ou qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve, dans leurs paroles et dans leur foi? Certes, nous avons mis à l'épreuve ceux qui étaient là avant eux, pour que Allah puisse savoir qui d'entre eux est sincère et qui d'entre eux sont les menteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve. والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر والشاكر كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال سبحانه وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والحسنات هنا النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء وغير ذلك والسيئات هنا هي المصائب كالأمراض وتصليت الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce verset, dans le verset qu'on a récité au sujet de l'épreuve et de la fitna, que Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il nous teste, qu'il nous fait passer un examen pour voir lequel d'entre nous sera sincère et lequel d'entre nous est menteur, pour voir lequel d'entre nous est patient et reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Serez-vous patients? Et certes, ton Seigneur est clairvoyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Hein? Nous vous éprouvons par le mal et par le bien, par des épreuves. Et c'est vers nous que vous retournez. Et il dit dans un autre verset, et nous les éprouvons par des bonnes choses et par du mal pour qu'ils reviennent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve, il nous met à l'épreuve. Et certaines personnes s'imaginent parfois que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve uniquement par les choses qui sont mauvaises ou par les difficultés dans la vie. Mais on voit bien dans les versets qu'on a récités que Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve par le bien aussi, pas seulement par le mal, mais même le bien est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir si on va être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-hasanat qui est mentionné dans ce verset, wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at, nous les éprouvons par le bien, par les bonnes choses et par les mauvaises choses. Eh bien, c'est des exemples de, par exemple, al-hasanat, c'est l'aisance et la bonne santé et la puissance et la force et l'exemple de la victoire sur les ennemis. Tout ça, c'est des choses qui sont bonnes, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et qui sont en même temps des épreuves et des tests pour les croyants. De même que les sayyi'at, eh bien, ça comprend les malheurs, les maladies, le fait que les ennemis ont le dessus sur les croyants, les tremblements de terre, les tornades, les tempêtes, les raz-de-marée, et toutes ces choses-là, qui sont des choses qui détruisent et qui sont mauvaises, eh bien, ce sont aussi des épreuves de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والمعنى أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات والسيئات وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquise pour que Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont acquis ou de ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent revenir. C'est-à-dire pour qu'ils puissent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Et donc c'est ce que signifie le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Tout ce qui nous arrive comme bonne chose ou comme mauvaise chose et de ce qui est apparu sur la terre comme désordre pour que les hommes puissent revenir à la vérité et pour qu'ils puissent se précipiter vers la repentance de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit et pour qu'ils courent et qu'ils fassent la course les uns et les autres vers l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. لأن الكفر والمعاصي والبدع والانحراف في العقيدة والمنهج والسلوك والأفكار هم سبب كل بلاء وشر في الدنيا والآخرة. وأما توحيد الله والإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسله والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وفي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه عز الدنيا والآخرة والنجاة من كل مكروه والعاقبة من كل فتنة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Et donc, la mécréance, les désobéissances, les péchés, les innovations et la déviation qui apparaît dans la croyance, ou dans la méthodologie, ou dans la conduite, ou dans les pensées, et les désobéissances et les péchés, tout ça sont des causes de malheur, tout ça sont des causes d'épreuves et de mal dans cette vie et dans l'au-delà. Tandis que l'unicité d'Allah et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, et son obéissance et l'obéissance à ses messagers, et le fait de s'accrocher à sa législation et à sa loi, et d'inviter les hommes à s'accrocher à sa loi, et de condamner tout ce qui contredit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, c'est la cause de tout ce qui est bon et de tout ce qui est bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et dans le fait de rester ferme sur cette voie et sur l'obéissance, et de s'encourager les uns les autres, et de s'entraider dans l'obéissance, il y a la fierté et la puissance pour les croyants dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il y a un salut pour eux de tout ce qui est mauvais pour eux, et une bonne fin, et une protection contre toutes les tentations et les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, si vous donnez victoire à Allah, Allah vous donnera victoire, et il raffermera vos pas et vos pieds. Il laissera vos pieds fermes sur la terre. Et il dit: certes, Allah donnera victoire à celui qui défend la vérité. Et Allah est certes fort et puissant. Ce sont ceux qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les établit sur la terre, Ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et c'est à Allah que revient la bonne conclusion de toute chose. Et il mentionne dans un autre verset que Allah a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et qui ont fait des bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient là avant vous. Et qu'il vous donnera la stabilité et la puissance, qu'il leur donnera la stabilité et la puissance, yani à leur religion, la religion qu'il a agréée pour eux. Et il changera leur état de crainte en état de sécurité, à condition qu'ils m'adorent moi seul et qu'ils n'associent rien avec moi. Et quiconque renie la foi après cela, alors ceux-là sont les pervers. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقد بين سبحانه في آيات كثيرة أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والخصف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهم كما قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans plusieurs versets, et si les gens de la cité auraient cru, nous leur aurions ouvert les bénédictions des cieux et de la terre. Mais ils ont traité la vérité de mensonge. Alors nous les avons pris d'un châtiment à cause de ce qu'ils ont acquis. Et Allah a mentionné dans plusieurs versets que tout ce qui est arrivé aux nations et aux peuples précédents, comme châtiment, comme tornade, et comme tremblement de terre, et comme la terre qui les a engloutis, ou tout autre châtiment qui est mentionné dans les révélations au sujet des peuples qui ont mécru, c'était uniquement à cause de leur mécréance, à cause de leur shirk, à cause de leur péché et de leur désobéissance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, et chacun d'entre eux, nous les avons pris pour son péché. Certains d'entre eux, nous les avons frappés, il y en a de pierres qui tombent du ciel, et d'autres, nous les avons frappés d'un cri. Et d'autres, nous les avons engloutis dans la terre, et d'autres, nous les avons noyés. Et Allah ne leur a pas fait d'injustice, mais c'était eux-mêmes qui faisaient de l'injustice à leur propre personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ. S'il y a un malheur qui vous atteint, un malheur quelconque qui vous atteint, eh bien c'est à cause de ce que votre main a acquise. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les croyants à la repentance, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à demander pardon pour les péchés qu'ils font et à implorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les malheurs tombent sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Oh vous qui avez cru ». Revenez repentant à Allah d'une repentance sincère. Allah effacera vos péchés et vos désobéissances et vous fera entrer dans des paradis, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et il dit ce qui signifie « Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous puissiez avoir le succès. » Et il dit « Et nous avons envoyé des messagers aux nations avant vous, et nous les avons pris par des difficultés et des malheurs pour qu'ils puissent revenir en implorant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque notre châtiment est tombé sur eux, s'ils s'étaient tournés vers Allah en implorant sa miséricorde, mais au lieu de ça, leur cœur s'est endurci et le shaitan leur a enjolivé ce qu'ils faisaient comme action. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ التَّوْبَةَ لَهَا شُرُوطٌ وَهِيَ عِبَادَةٌ وَاجِبَةٌ وَمِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ الندم على المعصية وثانيا الإقلاع من هذا الذنب وثالثا العزم على عدم الرجوع إليه ورابعا الإصلاح يعني إذا أفسد شيئا إذا سرق شيئا أو يعني نشر شيئا من الباطل فأصلح ما أفسده والبيان أن يبين إذا وقع في شيء ودعا إلى باطل فعليه وجوب البيان بيان الحق من الباطل للناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteur d'Allah, sachez que la repentance, c'est une adoration qui est obligatoire. Et parmi les conditions de cette adoration, il y en a plusieurs. La première, c'est d'être, yani, d'avoir des remords. D'avoir le remords du péché qu'on a commis. La deuxième condition, c'est al-iqla, c'est-à-dire de cesser sur le champ de commettre ce péché. La troisième condition pour la repentance, c'est al-azm, c'est-à-dire d'avoir la ferme volonté de ne plus recommencer le péché dans l'avenir, au moment de la repentance. Donc ça, c'est les trois conditions les plus importantes de la repentance pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ta repentance. Toutefois, si ton péché comprend quelque chose de plus qu'un péché entre toi et Allah, comme si par exemple tu as volé les biens de quelqu'un, eh bien il y a une condition supplémentaire, eh bien c'est que tu répares le mal que tu as fait, al-islah. Si tu as commis une faute envers quelqu'un, eh bien que tu dois réparer cette faute. Et cinquièmement également, si la personne qui a commis un péché dans le sens qu'il a menti sur la religion d'Allah, ou qu'il a propagé des faussetés, ou qu'il a fait du tort, il a propagé des innovations, eh bien qu'il doit clarifier la vérité de ce qu'il a corrompu dans la compréhension des gens, et les appeler à la vérité par la suite. Donc ça, c'est des conditions très très importantes. Et ça, c'est pas comme certains musulmans s'imaginent parfois, que la repentance est seulement pour des péchés comme les kaba'ir. Qu'est-ce que les gens font comme péché, soit de boire de l'alcool, ou de manger du porc, ou de faire le zina, ou d'autres péchés de ce genre. Mais il y a des péchés plus graves, comme on l'a mentionné dans d'autres khutab et dans des cours. Par exemple, les péchés de commettre le shirk, d'associer avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est le plus grand de tous les péchés. Et il faut que quelqu'un qui commet ce péché-là se repente avant sa mort. Parce que s'il meurt sur le shirk, il ne pourra jamais entrer au paradis. Il ne pourra jamais entrer au paradis. Contrairement à s'il a commis des grands péchés, comme les autres péchés que Allah a interdits, qui sont moindres que le shirk, s'il meurt sur ces péchés-là, il peut être pardonné. Et il peut, et même s'il va en enfer, s'il n'est pas pardonné, il va en enfer, eh bien, il ne sera pas éternellement en enfer, puisque il n'a pas commis le shirk. Mais le shirk, c'est le plus grave. Et donc, quand quelqu'un commet du shirk, soit qu'il a prié un mort, ou il a sacrifié un animal pour un saint ou une tombe, comme ça se passe dans plusieurs pays musulmans, eh bien, il doit se repentir de ça, en réaffirmant son tawhid et son unicité d'Allah, et en corrigeant ce qu'il a commis comme péché. De même que si la personne a commis des innovations ou des bid'ahs et qu'il les a propagées, eh bien, il doit se repentir d'avoir fait ça. Ou s'il fait partie d'un groupe ou d'une secte d'égarement, il doit se repentir et quitter ce groupe ou cette secte et revenir à la sunna et à la voie de la sunna et s'accrocher au Coran et s'accrocher à la sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne d'avoir suivi cette innovation-là. Donc tout ça sont des choses qui font partie des principes et des choses très importantes dans l'islam. Et c'est une grande adoration à Tawbah. C'est pas, comme on a dit, seulement juste pour les péchés qui sont apparents ou qui sont faits vis-à-vis des autres, mais également les péchés qui ont rapport avec la foi et la compréhension de la religion. C'est les plus grands péchés et les plus importants, et ça parfois on les néglige. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. ووفقنا للتوبة النصوحة. وفقنا للتوبة نصوحة. واجعلنا من التائبين. واجعلنا من التوابين المتطهرين الذين يتوبون إلى الله ويستغفرونك ويرجون رحمتك. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى